L'autre jour, moi, t'as le cinéma, moi, quand tout mon bouton est là, maman. Les femmes déclarations, les dîmes chérie, moi, rêvé en pile. Moi, parle puis d'un pied, moi, tombé, tremblé, quand pour me la fièvre. La tante pour me s'abat, repense, moi, quand même, devant le temps, combien quelqu'un. Les bandes, 50 centimes pour le camionnette, pour le monter, quand fou. Moi, voyez, j'ai tout bateau, moi, fais un tour, moi, pas tenté. Mama, où m'est allé, maman?